précédemment dans Destination Série. C'est ça normalement une série, c'est-à-dire soit une série, vous regardez un épisode, soit vous êtes happé, soit vous n'êtes pas vous happé. Êtes happy. Vous êtes happy et puis vous changez, hein, et après vous y revenez, hein, hein Laurent, comme Stranger Things. Ouvre une case sympathique et on va penser à Laurent. Laurent, non pas avec un modern talking, mais avec une charmante chanteuse américaine qui, elle, a choisi le Texas. Choosing Texas. Alors, on fait voler les Stetson et on pense au soleil du Texas. Ça nous ferait du bien. Hein, parce tu dis beaucoup, beaucoup de fois le Texas dans ta phrase. Oui, parce qu'on aurait besoin de soleil. Et c'est vrai que depuis... Il y en a au Texas. Tu sais que j'étais au Texas pendant plusieurs semaines. Ah, et oui. Quand on parle de chaleur, c'est pas à moitié. C'est 40 tout le temps. D'accord. Et en fait, les gens... Il y a deux choses. Je vais juste terminer la parenthèse. Ouais. Au Texas, il y a deux choses que tu ne verras pas dans la rue. C'est des piétons et des vélos. Il fait trop chaud. Ah, d'accord. Des chevaux. Des chevaux, pardon. Des Chez Marmour va faire son grand retour dans les feux de l'amour. Chez Marmour, on ne la présente plus connue du grand public pour son rôle principal dans SWAT, dont la saison 8 continue sa diffusion sur TF1 à partir du 11 mars 2026. Chez Marmour reprend le rôle de Malcolm Winters, ce personnage qu'il incarne depuis 1994 dans les feux de l'amour. Il ne sera pas seul puisque Vivica Fox, qui jouait Stéphanie et qui avait quitté la série en 1995, fera également son retour. On ne l'avait pas vue dans Kill Bill ? Il me semble. Mais il oui. Il me semble qu'elle jouait dans Kill Bill également. Exactement, hein. Oui. C'est la femme de couleur qui se fait attaquer au couteau par Uma Thurman. Alors, Stéphane Hamel, pour moi, c'est Arrow. Je suis fan de cette série, je suis fan de l'acteur. Malheureusement, comme on venait de dire à l'instant, pour la pauvre... je ne sais pas si c'est la pauvre. Pour Émilie. Émilie de Chanel, je ne veux pas dire... Tu veux dire que tu vas voir Arrow dans Alerte à Malibu? Ouais, voilà. Alors, c'est ça. Moi, déjà, j'ai peur. S'il n'est pas là... C'est pas possible qu'il n'appelle pas son père au téléphone. Il ne viendra pas avec qui t'es la voiture, mais... Voilà, ou alors un coup de fil. Tiens, j'appelle... Voilà, on pourrait l'avoir une voix... Je pense que c'est implicite, mettre le fils et pas voir le père. Triste nouvelle qui nous est arrivée ce matin. On l'a pris ce matin. C'est très récent. Oui. C'est très récent et on pensait éviter encore de faire mais toutes les semaines, une nécrologie. Mais là, c'est effectivement la mort d'Eric Dane, le célèbre docteur Glamour. Alors, on ne dit pas Mamour, ce n'est pas le docteur Mamour normalement. Oui, c'est vrai qu'on disait le docteur Mamour dans Grey's Anatomy. Mais je pense qu'il y a plusieurs titres. Je pense que c'est Glamour en anglais. Un roi médiéval tente de gouverner un royaume entouré de chevaliers incompétents. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Oui, puisque c'est Kaamelott. Ah oui, Kaamelott, oui. Dans une petite ville des années 80, la disparition d'un enfant révèle des expériences secrètes et l'existence d'un monde parallèle. Ah, je vous ai mis bouche bée carrément. On aura envie de la voir cette série, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça donne envie. C'est un mélange de dark, de plein de choses. Vous l'avez peut-être vu. Disparition d'un enfant dans les années 80. Waouh. Ah non, c'est pas possible, je sais tout ce qui s'est passé dans les années 80. Disparition d'un Est-ce que c'est une série des années 80? Non, tu vas pas répondre. C'est pas une série des années 80, ça peut être actuel comme Stranger Things. Mais... C'est Stranger Things. Stranger Things, si ça se trouve. Oui, Stranger Things. Eh ben oui, c'est Stranger Things, bravo. J'y pensais, mais je disais le chemin mental que j'ai dû faire. T'imagines même pas. Moi, je voyais ça, mais je me suis dit, c'est pas... Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Destination Série. Aujourd'hui, nous sommes à l'édition 850, c'est un tout pile, et c'est le 16e numéro de la 24e saison de Destination Série. Sylvain, bonsoir. Oh, bonsoir Benoît, j'ai pas vu que t'étais là. Eh oui, on est de retour une nouvelle fois pour vous faire passer un vendredi soir et un début de week-end le plus agréable possible. Et puis nous avons déjà bien commencé avec ce petit medley de ce qui s'est passé il y a 15 jours, juste avant les vacances. Et on ne peut que saluer celui avec ses doigts de fée qui a fait cet habile montage. C'est Laurent que l'on embrasse bien fort, on pense très très fort à lui. Et on est là ce soir pour le divertir absolument et lui donner matière à faire un très beau montage pour le résumé de la semaine que l'on écoutera. Apparemment, la féerie, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et bien nous, on va essayer de faire la même chose et aussi de vous informer avec les rubriques habituelles. Plein de choses à dire cette semaine. Voyez, le C'est Actu, tout à l'heure, il y a Manon qui reviendra, qui reviendra au téléphone. On a eu un tellement gros succès la semaine dernière. Tout le monde la réclame. On la réclame et elle sera là tout à l'heure vers 18h50. Et puis, bien sûr, le secret de mon vôtre, avec un habillage plus. Ce soir, on verra tout à l'heure, d'ici un quart d'heure, ce que nous réserve Sylvain. Secret, pour tout de suite. Voilà. Pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais on va commencer, comme d'habitude, avec le rétroviseur 2.0, les séries de la semaine. Est-ce qu'on a une idée de la série qui pourrait être numéro 1 cette semaine? On va le savoir tout de suite. Le rétroviseur 2.0. Alors, cette semaine, c'était le retour de pas mal de séries et on va voir, notamment hier soir, il y avait jeudi soir, le retour d'Erika. Tout à fait. On a parlé d'Erika il y a quelques semaines pour évoquer que cette série allait être diffusée et doublée aux États-Unis. Hein, puisque, oui, exact. Voilà, donc les Américains sont devenus fans d'Erika. C'était même après HPI, c'est Erika. Bon. C'était même la sœur de... C'est bien pour TF1, hein, si on va à l'étranger comme ça. Effectivement, c'était la sœur de Julie Debona qui a appris que sa sœur allait donc être diffusée avec Erika aux États-Unis. Donc c'est la saison 2 qui commençait hier. Est-ce qu'elle a fait l'audience que l'on attendait? On va voir ça tout de suite. À la cinquième place, eh bien, c'est les Mystères à Paris. Voilà, les collections... habituel de France 3, c'était dimanche 1er mars. Mystère au paradis a fait 2 500 000 téléspectateurs, 13,2% de part de marché. Voilà, classique. Les audiences sont pas très très élevées cette semaine. À la quatrième place, eh bien voilà, patatras, déjà. Comment ça, patatras, quoi? Erika? Déjà Erika. Non. Et oui, le lancement de la saison 2 n'a fait que 2 858 000 téléspectateurs. Mais il n'y avait rien en face pourtant. Bah non, c'est ce que j'allais te dire. Oui, pour le coup, ils étaient tout seuls. Il n'y avait pas grand-chose en face. Hein. Et pourtant, hier soir, bon, c'est quand même la première audience de la soirée. Ça prouve qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose en face. Ils n'étaient pas là. Sauf il faisait beau, hein, faut dire qu'il faisait meilleur cette semaine. Ouais, 16,1% de part de marché pour Erika. Tout le monde est en terrasse, à mon avis. Donc voilà, c'est quand même pas... Voilà, Erika était première du rétroviseur à l'époque, il y a un an et demi, lors de la diffusion de la première saison. À la troisième place, alors là... Alors là, surprends-moi. Alors là, je te surprends parce que même moi, j'aurais pas été le maître. Parce que c'est apparemment un pilote. Ah bon ? Au cœur de nos terres. De nos terres, c'était la première audience de la soirée sur France 3. C'est passé quand ? C'était mercredi soir. 3 079 000 téléspectateurs. Alors j'ai dû dormir, c'est pas possible. J'ai pris des notes parce que pour vous dire ce que c'était Que, Et c'est une série sur une femme qui est commerciale en matériel agricole qui revient dans l'exploitation familiale après l'accident cardiaque de Julien, son frère. Elle y découvre une ferme au bord de la faillite. Son frère, en voulant se diversifier, s'est complètement surendetté. Comment a-t-il pu s'enfoncer autant, aider d'Antoine, son amour de jeunesse, et aujourd'hui gérant d'une association d'agriculteurs en difficulté? Laure découvre un complot visant à pousser les agriculteurs à la faillite pour racheter leurs terres. Alors que l'eau vient à manquer dans la région, Laure comprend que sa famille et d'autres agriculteurs sont les cibles d'un vaste plan de mainmise sur l'eau. Bon, c'est avec Mathilde Seigné quand même, Carole Proust et Clémence Mazarveit notamment. Et mais donc, le truc, c'est qu'ils n'ont pas fait de pub, c'est sûrement. C'est porté par Mathilde Seigné, qui est apparemment excellente d'après les retours que j'ai pu lire ensuite en investiguant un peu la chose. Mais voilà, donc c'est quand même troisième. Ni toi ni moi n'en avions entendu parler. Du rétroviseur. Mais quand même troisième, donc au cœur de nos terres. Donc apparemment, c'est un pilote. C'est une série, alors. Bah, c'est téléfilm. C'est pas un documentaire, t'es sûr? Non, c'est sûr. Mais c'est marqué pilote, mais moi, je ne l'ai pas vu dans le pilote. Donc je pense que si Laurent l'a classé, c'est qu'il a dû voir quelque part que c'était le pilote. Si Laurent l'a dit, Laurent a toujours raison. Voilà. À la deuxième place, classique, première de audience samedi dernier, 3 398 000 téléspectateurs, c'est Cassandre. Oui, voilà. Pas l'heure sûre. Et à la première place, lundi, c'est L'Art du Crime. Ah oui. L'Art du Crime, forcément, ça cartonne. Alors c'est vrai que c'est pas tout le temps le lundi, c'est L'Art du Crime, c'est à semer un peu là où on veut. Mais quel que soit le jour, ça cartonne. Il va falloir que je m'y mette parce que je n'ai pas regardé du tout. Donc... 3 565 000 téléspectateurs. Bon, c'est quand même, on va dire, une petite semaine. Le premier fait 3,5 millions, c'est pas... Voilà, hein. Oui, puis il y a des heures de casting, parce que quand tu vois Erika qui est en quatrième, c'est quand même incroyable. Oui, là, c'est quand même un peu incroyable. Alors, bon, on va dire Moi, j'aurais mis premier, tu vois, je l'aurais... Ah bah là, oui, premier ou deuxième, là, franchement, moi, je m'attendais au moins, allez, 3,5 millions, tu vois, au moins, hein. Mais là, 2,8 millions, bon. C'est alors là, encore que c'est le premier, souvent le premier, puis après, j'ai peur pour la semaine prochaine, attention... Nous vous dirons ça, bien sûr. Il n'y a que 6 épisodes, il y en a 6 dans la saison 1. Oui, il y en a 6. 6 aussi, voilà. Il y a 3... Par paquet de 2, c'est toujours pas paquet de 2. Il y a 3 soirées, ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire du rétroviseur. Et là, tout de suite, avant de découvrir secrètement vôtre, une pause musicale. Et attention, c'est un Lorrain que l'on aime, puisqu'il s'agit de Louis Montemont. Louis Montemont, il a fait la Starac avec Pierre, entre autres, et Elena. C'est le premier à être sorti. Ah, pas de bol, hein. Tu le vends tellement bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais je le dis parce que ça il est bon, mais il est sorti en premier. Non, mais ça mais on l'a déjà passé plusieurs fois, Laurent, tu l'as déjà entendu, dans Ça ira mieux demain notamment. Et on l'adore. Et je l'ai vu en concert il y a un an à Strasbourg, où il avait effectivement chanté cette chanson-là. Et un an après, il la sort. Ça s'appelle, c'est une très très belle chanson. Ça s'appelle T'aimer comme il faut. Une très belle chanson d'amour. Que je vous conseille à streamer sans modération. Louis, il est de Nancy. Si jamais il nous écoute, on l'embrasse. Voici donc Louis Montemont, T'aimer comme il faut. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. Mais avant ça, on ouvre la case. Quelle surprise! Je t'aime, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais je t'aime, trop souvent j'ai dû le dire. À des filles qu'ils méritaient pas, comme une promesse que je tenais pas. Ces mots qui blessent des fois, ces mots qui blessent des fois. Donne-moi le temps de te le dire. Donne-moi le temps d'un jour comprendre ces trois mots. Pouvoir t'aimer comme il faut. Donne-moi le temps de te le dire. Donne-moi le temps d'un jour comprendre ces trois mots. Pouvoir t'aimer comme il faut. Je t'aime, mais je sais pas si je vais te plaire. Je t'aime comme un secret qui peut plus taire. C'est plus facile de dire ce qu'on n'aime pas, de refouler ce qui est en soi. Ces mots qui blessent des fois, ces mots qui blessent des fois. Donne-moi le temps de te le dire, donne-moi le temps d'un jour comprendre ces trois mots, pouvoir t'aimer comme il faut. Donne-moi le temps de te le dire, donne-moi le temps d'un jour comprendre ces trois mots, pouvoir t'aimer comme il faut. Et même si j'ai très envie de pouvoir dire ces quelques mots, j'ai pas envie de te les jeter, de les voir y coucher sur l'eau. Et même si j'ai très envie de pouvoir dire ces quelques mots, j'ai pas envie de te les jeter. Donne-moi le temps de te le dire, donne-moi le temps d'un jour comprendre ces trois mots, pouvoir t'aimer comme il faut. Ces trois mots, pouvoir t'aimer comme il faut. Donne-moi le temps de te les dire, donne-moi le temps d'un jour comprendre ces trois mots, pouvoir t'aimer comme il faut. Ces trois mots, pouvoir t'aimer comme il faut. Donne-moi le temps, donne-moi le temps, pouvoir t'aimer comme il faut. Donne-moi le temps de te le dire, donne-moi le temps d'un jour comprendre ces trois mots, pouvoir t'aimer comme il faut. Ce soir, nous allons parler d'un homme qui traverse les continents comme d'autres traversent la rue. Un professeur capable de citer du latin le matin et de survivre à l'impossible l'après-midi. Un héros qui ne gagne pas toujours avec élégance, mais presque toujours avec instinct. Ce personnage a redonné au grand écran le goût du danger réel, des cascades physiques et du mystère ancien. Il a transformé un acteur déjà connu en icône mondiale et il a rappelé à toute une génération que la connaissance pouvait être la meilleure arme pour survivre au piège. Sylvain nous ouvre ce soir les coulisses d'un mythe qui continue, 40 ans plus tard, à fasciner le monde entier. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'arrécade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si je meurs, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans Secrètement Vôtre. La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Il fallait que ce soit des serpents. Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'arche d'alliance, l'arche perdue. Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche. J'ignorais que tu savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'arche ? Voulez-vous vraiment savoir ? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu. Génial ! Vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Tu appelles ça de l'archéologie ? Une armée qui se ferait précéder de l'arche serait invincible. Bon, c'est vrai qu'on pourrait écouter des heures cette musique tellement elle est bien. On peut la mettre un tout petit peu plus fort, mais pas trop. Voilà. Donc bien sûr, on a reconnu la musique d'Indiana Jones. On peut parler d'une série puisqu'il y a 5 films entre 1981 et 2023 pour le 5e volet. Indiana Jones, c'est une saga et pour présenter le personnage, il est né à la fin des années 70 d'une collaboration entre George Lucas et Steven Spielberg. Et George Lucas voulait rendre hommage en fait aux séries d'aventures des années 30-40 qu'il regardait quand il était enfant. Il regardait Zorro, Flash Gordon, etc. En 1977, pendant que Star Wars explose au box office, Lucas discute avec Spielberg à Hawaï. Pourquoi pas ? Et Spielberg dit qu'il rêve un jour de réaliser un James Bond. Et Lucas lui répond « J'ai mieux qu'un James Bond, j'ai un archéologue ». Et le développement concret du personnage et des scénarios se fait ensuite avec le scénariste Lawrence Kasdan, qu'on a aussi vu dans Star Wars comme réalisateur. Et justement, il participe activement à l'écriture des Aventuriers de l'Arche Perdue, sorti en 1981. Et le nom Indiana vient du chien de George Lucas à la toute première origine, pour la petite histoire. Le nom complet du personnage d'Indiana Jones, est-ce que tu le connais, Benoît ? Alors, c'est non. Pas Junior. Non, non, il y en a eu un autre, mais non, je ne connais pas, non. Alors, non. Son vrai... Ben, son titre, c'est docteur, puisqu'il est docteur en archéologie. Son ouais. Prénom, c'est Henry Walton Jones Junior. En fait, c'est Henry Junior. Oui. Il a le nom de son père, Junior, puisque le père s'appelle Henry aussi. D'accord. Voilà, ça, son vrai nom complet, Henry Walton Jones Junior. Le mythe donc de ce personnage, il est né en fait d'un hommage au magazine Pulp des États-Unis, j'allais dire des Américains, et d'amour aussi du cinéma d'aventure classique et de la volonté de recréer aussi l'excitation enfantine des feuilletons. Donc, comme j'ai dit, il s'appelle Henry Walton Jones Jr., c'est dur à dire, vaut mieux Indiana Jones. Sa date de naissance, on la connaît, d'Indiana Jones, c'est le 1er juillet 1899, selon la chronologie officielle. Son père, on l'a dit, c'est le professeur Henry Jones Sr., qui a été joué magistralement par Sean Connery dans le troisième volet, et qui s'appelait la dernière croisade. Sa mère s'appelle Anna Jones, ça c'est moins connu, et surtout son surnom Indiana, qui vient du chien de la famille Jones. Encore un hommage à George Lucas avec son chien, mais là, c'est le chien de la famille Jones qui s'appelle Indiana. D'ailleurs, on l'apprend dans le troisième volet avec son père. C'est le chien qu'on a appelé Indiana. C'était la blague qui était à l'époque. Ouais. Bon, tout ça pour dire qu'il a un cursus très intéressant, archéologue, professeur d'université, aventurier, il parle plusieurs langues, il a une phobie des serpents qui est expliquée dans le deuxième volet, si je ne me trompe pas, quand il tombe dans un bac de serpents quand il était jeune, en tant que scout, si on s'en rappelle pour la petite scène. C'est comme ça qu'il a une peur avérée des serpents. C'est un ancien scout, il a participé aussi à plusieurs événements historiques comme la Première Guerre mondiale, qu'on a pu voir dans la série télé, parce qu'il y a une série télé encore en plus des films. Ce qu'on aime bien en fait chez Indiana Jones, c'est que c'est un héros imparfait. Il saigne, il doute, il improvise, il se trompe, mais il agit souvent plus par instinct que par planification des choses. Et c'est ce mélange justement d'intellect et débrouillardise physique qui fait son originalité. Alors, parmi les secrets les plus surprenants, Harrison Ford n'était pas le premier choix. C'est une anecdote un peu connue, mais je pense que tu le connais, Benoît, le premier choix qui avait été fait à l'époque. C'était pas Harrison Ford qu'on avait choisi au départ. Non, je ne sais plus qui c'était, mais je l'ai su. C'était Tom Selleck. Tom Selleck, oui, voilà. Il était sur Magnum. Laurent est bondi de sa chaise pour nous dire Tom Selleck, c'est vrai. Magnum. Et oui, il était bloqué en fait par la série Magnum à l'époque. Et il a dû décliner l'offre. Et c'est Harrison Ford qui était déjà connu pour Star Wars avec George Lucas. Et c'était un risque aussi qu'il fallait accepter parce qu'il avait une très forte connotation dans Star Wars. C'était un risque de prendre un autre lead comme ça dans une autre série. Mais je pense qu'avec le recul, Tom Selleck aurait peut-être été moins. Enfin, on l'imagine. On peut pas dire. Oui, on peut pas dire. C'est vrai parce que maintenant on a pas de recul. Voilà, mais on n'a pas de comparaison. Mais ça aurait été un autre. Ça aurait été un autre Indiana Jones. Ça aurait pas été le même. Non. Et ça peut pas dire que ça aurait été moins bien. Oui, peut-être. Mais ça aurait été différent. Ouais. C'est dans un monde parallèle, peut-être. Le nom du chapeau, c'est un modèle Fedora. Et en fait, il est devenu iconique presque par accident parce qu'il y a eu plusieurs modèles qui ont été testés jusqu'à trouver la bonne hauteur pour le couvre-chef. Et dès la conception, George Lucas et Steven Spielberg voulaient une silhouette immédiatement reconnaissable, justement en s'inspirant des héros pulp des années 30. Le chapeau en faisait partie. Voilà pourquoi ce choix du chapeau Fedora en particulier, si vous êtes connaisseur. Il y a eu plusieurs chapeaux, hein, des types western, des modèles plus souples, enfin bref, il y a eu plein de tests, mais on en est resté au Fedora. Et ce qui est souvent utilisé d'ailleurs, il l'utilise comme un véritable artifice, il est indissociable du personnage parce qu'il l'utilise pour masquer son émotion, ponctuer un geste ou le repositionner quand il est dans un moment de tension. Il joue beaucoup avec ce chapeau et on le reconnaît surtout en silhouette, en ombre chinoise. Dès qu'on le voit apparaître, c'est immédiat, on sait que c'est lui. Donc c'est toute cette répétition visuelle effectivement qui en a fait un symbole. Il y a la scène aussi célèbre du sabre que tu connais quand il affronte un combattant au sabre, justement dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, dans le premier volet. Il arrive et il fait pas le combat. Sais-tu pourquoi? Il est face à quelqu'un qui jongle avec son sabre, il sort son pistolet et tire sur lui pour le tuer. En fait, l'explication réelle derrière ça, c'est que Harrison Ford était souffrant, il avait la dysenterie et il ne pouvait pas faire de scène de combat. Et ils ont trouvé ce gag visuel qui est resté mythique, puisque l'autre, il arrive avec un sabre et l'autre sort le pistolet, il tire et il repart de là où il était venu. À l'écran, c'est magique, c'est des scènes qui sont marquantes. Quand on pense que ça a été créé... Voilà. Ben voilà, mais c'est souvent c'est ça, les films, c'est les bonnes idées qui font la magie des fois. Hein. Puis après, t'as Spielberg et Lucas derrière, on n'est pas non plus chez les inconnus. Il y a également des scènes mythiques comme dans Le Temple Maudit qui est passé cette semaine à la télévision, mardi, puisque là, on a un rendez-vous toutes les semaines avec Indiana Jones sur M6, on en est au deuxième, la semaine prochaine c'est la dernière croisade, donc, c'est la troisième, non, c'est déjà la dernière croisade cette semaine. C'est le 4 qui passe mardi avec Shia LaBeouf, le mardi prochain. Dans Le Temple Maudit justement qui est passé la semaine dernière, il y a un repas exotique qui est célèbre aussi quand il est chez les Thug à Delhi. Dans le temple à Ankara. Voilà. Et en fait, voilà, il y a les bébés serpents farcis, les scarabées, la soupe de cervelle de singe. En fait, c'est un gag à répétition dans les plats qui arrivent. On se souvient tous de tout ce qu'ils mangent. C'est affreux. Et à la fin, il vient avec une pomme pour nourrir l'héroïne qui est jouée par Kate Capshaw. Oui, tu voulais dire peut-être quelque chose. Non, mais il a toujours eu ce côté un peu décalé et plein d'humour. C'est, voilà, c'est le... C'est presque l'anti-héros, quelque part. C'est ça, c'est l'anti-héros, mais... Mais il réussit ce qu'il fait. Voilà. Il réussit tout ce qu'il fait, mais en légèrement décalé. C'est effectivement... Alors, pas aussi dans Le Temple Maudit, parce que c'est vraiment un gros film que j'aime particulièrement en plus, mais quand il arrache le cœur, quand t'as le sorcier qui arrache le cœur dans la victime avant de la plonger dans la lave, eh bien, ce n'est pas un effet, c'est pas un trucage numérique, c'est un effet mécanique. Donc, c'est pas un vrai cœur, hein, on est d'accord. Ce n'est pas un trucage. Ils n'ont pas tué 400 figurants. Non, ils n'en ont pas tué 400 pour faire la scène. Simplement, c'est à l'époque, on n'était pas au numérique comme aujourd'hui. Et là, c'est fait, on va dire, de manière mécanique avec un mannequin, etc. Mais d'accord. Voilà, mais il n'y a pas de trucage visuel à ce moment-là, ce qui rend un peu d'authenticité des films à l'époque. Il voulait aussi initialement que le personnage meure, c'est-à-dire que Indiana Jones meure à la fin du troisième film. Oui, exact, je savais. Et ils ont changé d'avis au dernier moment, tant mieux, puisque ça a continué la légende avec un 4 et un 5 qu'on pourrait être discutable sur le papier, sur la qualité. Oui. C'est un autre sujet. Surtout le dernier. Voilà, le dernier, il faut s'accrocher parce que le pauvre, il a du mal, hein, mais bon. Pourquoi pas? Faut savoir que aussi le Sean Connery qui joue le père n'a que 12 ans de plus qu'Harrison Ford. Donc on est sur le papier, c'était pas non plus évident qu'il soit père à 12 ans. Bon, on va dire que Indiana Jones fait plus jeune et que Sean Connery l'ont un peu vieilli. Mais bon, ils ont que 12 ans d'écart, hein, les deux acteurs. Donc Sean Connery nous a quittés malheureusement. Harrison Ford encore vivant, 83 ans, et qui a été d'ailleurs récompensé au SAG-AFTRA, la récompense Awards des États-Unis, là, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, il me semble, ou cette semaine, et il a eu un prix d'honneur, justement, pour toute sa carrière, s'il était temps, j'allais dire, parce qu'il ne fait pas beaucoup d'apparitions, et il joue toujours dans la série Shrinking, d'ailleurs, qui est sur Apple TV. Exact. Donc, exact. Il n'a pas arrêté sa carrière. Tout ça pour terminer, on peut en parler des heures, mais je vais essayer de raccourcir un peu, parce que le temps passe très vite. Harrison Ford a insisté aussi pour faire lui-même les cascades. Dans Le Royaume du Crâne de Cristal, donc qui est le quatrième volet, Harrison Ford avait déjà plus de 60 ans, mais il a réalisé quand même une grande partie des scènes physiques, il faut le savoir. Et le personnage aussi a été intégré dans les parcs d'attractions Disney. Mmh. Le développement du cinquième film a pris plus de 10 ans pour aboutir. Et il fallait se dépêcher quand même à un moment donné, parce que le pauvre, il n'était plus là. Comment ne pas parler d'Indiana Jones ? Il y a une série, effectivement, qui existe aussi. Ça s'appelle « Les chroniques du jeune Indiana Jones ». Alors, c'est très intéressant parce que là, on apprend la genèse du personnage. Et ça, c'est un côté très, un peu, qu'on n'avait pas vu dans les films. Et c'est très intéressant qu'il creuse un peu cette partie-là. Et j'ai une tendre affection pour Ronnie Cooter, qui est un acteur français, qui joue le rôle de Rémy Baudouin, qui a été célèbre, justement, à travers le monde par ce rôle-là. Et je voulais lui rendre un petit hommage parce qu'il nous a quitté en 2000, malheureusement, cet acteur, qui est un acteur français, certes, mais qui a connu son heure de gloire dans une série américaine. C'était un petit hommage que je voulais lui rendre. La série n'a pas duré longtemps. Il n'y a que 2 saisons, 28 épisodes, de 92 à 93. Et effectivement, ça explore l'adolescence, ses voyages, la participation à la Première Guerre mondiale, etc. L'acteur, par contre, qui joue Indiana Jones jeune, qui s'appelle Sean Patrick Flannery, il est aussi connu pour avoir joué dans Charmed, Numbers, Esprit criminel, Les Feux de l'amour, Dexter, qui jouait Jacob Elway dans Dexter, pour le connaisseur que tu es, Benoît. Et aussi The Boys, plus récemment, en 2022. Donc, voilà. On n'est pas sur des inconnus au niveau du casting. Alors, pourquoi Indiana Jones est populaire ? Ben, effectivement, parce que, comme on l'a dit, il a une compétence intellectuelle, il est éduqué, il est savant, il a une vulnérabilité physique et il a une morale claire. Il incarne le fantasme d'un adulte cultivé qui refuse la routine et choisit de l'aventure. Donc, Harrison Ford a consolidé son statut de star mondial à travers 2 personnages, Han Solo dans Star Wars et Indiana Jones dans Indiana Jones, du même nom. Et ça a influencé aussi beaucoup de jeux vidéo, de la pop culture. Enfin, vraiment, ils ont créé quelque chose à l'époque qui est encore aujourd'hui, il y a encore cette empreinte dans les films. Et ils ont vraiment relancé le cinéma d'action un peu à l'ancienne à l'époque, qu'on a retrouvé dans d'autres films par la suite. Donc c'est l'un des rares personnages effectivement à avoir recréé ce cinéma d'aventure classique pour le moderniser surtout durablement et pour longtemps encore. Donc pour terminer cette rubrique, je voulais aussi mettre une petite musique de fin qui est complètement en rapport avec Indiana Jones. Et là, je pense que c'est la musique que je préfère de tous les Indiana Jones et qui m'a fait aimer définitivement les comédies musicales. C'est un titre qui s'appelle Anything Goes et qui a comme été interprété par Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett et d'autres. C'est quelque chose qui a été adapté pour Indiana Jones dans l'introduction de Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est la scène d'ouverture. C'est une comédie musicale. Elle s'est chantée par l'actrice en mandarin et en anglais, l'actrice principale du film qui est Kate Capshaw. Et on va l'écouter tout de suite. Donc, Anything Goes, la musique d'introduction de Indiana Jones et le Temple Maudit. Anything goes. On pense chercher Eden Delta bien, bah ouais, pas bien, ouais, là. Mon moins en the doubles, je pouvais nous coucher. Good to was we fait, ou allons tu la bombe, ouais, ça rend ce d'assaut, ni d'une web. Anything goes. We'll Bon, j'avoue, on est remonté un peu plus loin que les Modern Talking. Je suis remonté un peu plus loin dans le temps. C'est une comédie musicale à l'origine, comme je l'ai dit, et qui a été réadaptée avec brio par John Williams lui-même. Ouais. C'est une réadaptation fantastique. C'est un magnifique morceau. Une pépite musicale qu'on n'entend pas souvent. Mais oui. Et il y a des morceaux comme ça qu'on devrait entendre beaucoup plus souvent. Allez! Tu vas voir que ce qui vient est pas totalement... Il y a un petit quelque chose qui est avec, parce que musicalement, il y a aussi... Il y a aussi quelque chose. Moi, j'adore toujours cette petite voiture de case. Le mur d'été, ça ne sert plus à rien puisque c'est programmé d'avance. Mais on aime ça et on continue. Mais oui. C'est le nouveau Bruno Mars. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Le nouveau, non. L'album vient de sortir, s'appelle The Romantic. Manon va aller en tournée au Stade de France. Je suis envieux, mais comme pas possible. Cet album-là, il est pour moi. C'est l'album où il chante avec Rosé ? Non. Non, album, c'est encore un autre album. Oh là là. Oui, vraiment, c'est des chansons un petit peu qui pourraient très bien faire comédie musicale, qui pourraient un peu rétro. C'est Mais un mélange, gros talent, un mélange de Michael Jackson, de Marvin Gaye et tout. Et alors, je suis fan de l'intro. On en fera un jingle après ce que tu viens de nous écouter. Écoute-moi, c'est trompette, franchement. C'est le nouveau Bruno Mars, Risk It All. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Sure, you want the moon. Watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Ces petits coups de trompette, je suis fan. Je vois que t'aimes bien la trompette. Ah, si je savais jouer de la trompette, là, je m'entraînerais à c'est faire. C'est ton rêve. Non, mais quand j'entends ça, j'aimerais bien faire. Je t'achèterai une trompette pour Noël. Pour que j'arrive à faire ça, il faut un peu d'entraînement. Tu joueras pas avec. Tu t'entraînes chez toi, puis après, tu viens quand t'es bon. Voilà, Bruno Mars, Risk It All, on est un peu à la bourre, donc on accélère un petit peu, mais franchement, écoutez l'album, il est magnifique. C'est l'heure sur Fadjet ou sur RCN, si vous nous écoutez, de 18h à 19h pour retrouver le 7 Actu. Cet Actu avec Laurent et Benoît. Et Sylvain, surtout, maintenant. Il est là, il est bien là. Hein. Ah ben, on fait ce qu'on peut. Hein. Et Laurent nous a dit un petit message, on n'a pas vu tout à l'heure, mais oui. Effectivement, c'est Mathilde Seigny elle-même qui a annoncé que s'il y avait un succès, voilà, sur succès le, d'audience, il y aurait une série. Merci, voilà, donc merci Laurent de boucher les trous qu'on n'avait pas comblés. Donc, dans le 7 Actu cette semaine, première information, après La Belle et le Boulanger, Amir revient bientôt dans une série. Mais quelle est-elle ? Eh oui, il revient dans une série, une grosse production israélienne qui sera vendue à l'international. Elle a été produite par la chaîne Keshet 12 et vendue à Apple TV+. Avant même sa diffusion locale, il s'agit d'une des plus gros, un des plus gros accords internationaux pour une série originelle de là-bas. Et 8 épisodes au total, sortie mondiale le 8 mai 2026, donc c'est, ouais, bientôt. C'est déjà prêt, hein, c'est en post-production comme on dit si bien. Et ensuite, donc deux premiers épisodes le 8 mai, on lance et puis après un épisode par semaine jusqu'au 19 juin. On a une date pour La Petite Maison dans la Prairie, c'est incroyable. Enfin, j'allais dire. Enfin, parce qu'on en parle beaucoup. Mais oui, hein. Et la série culte de La Petite Maison dans la Prairie avec une grosse pression, parce que là, il y a quand même une attente énorme. C'est énorme. Et le reboot est prévu pour le 9 juillet, donc on passera l'été avec La Petite Maison dans la Prairie. On nous propose un angle plus sur la survie de cette famille Ingalls. D'accord. Bon, les créateurs parlent d'un mélange entre un drame familial, un récit de survie sur la frontière américaine, donc on va plutôt aller vers la vie des pionniers à l'époque, voilà, bon, ce qui était un peu déjà le cas à l'époque de la famille Ingalls et des autres, mais bon. Mais j'ai vu qu'il y avait un truc incroyable, c'est qu'ils ont déjà commandé une saison 2. Et oui. Avant même de diffuser la première. Ils croient absolument Netflix à cette série. Bon, après, fond, hein. Voilà. On espère pour eux, hein, mais franchement, on n'a pas trop, on n'a encore pas trop de casting est un peu, voilà, pour l'instant un peu secret, mais il va falloir pour essayer de remplacer tous ces beaux mondes qu'il y avait, hein, Michael London, etc. Et tous les autres. Une empreinte tellement forte de tout le casting, je sais pas comment ils vont faire, mais enfin, je pense qu'il faut oublier et se dire, il faut repartir. J'ai envie de revivre une aventure. Voilà. Et le générique. Parce que là, il faudra aussi. Oui, hein. Est-ce qu'ils vont garder le même générique? Oh là là là. Non, c'est pas possible. Et avec La Petite Prairie, et puis on descend là. Faut tout refaire. Ah oui, je pense que c'est obligé. On en reparlera avant la fin de la saison, du coup. Et oui. Et on a une nouvelle série des créateurs de Stranger Things. Alors ça va faire plaisir à Laurent. C'est sa nouvelle série fétiche ultime. Donc, elle arrive bientôt sur Netflix. Et quelle est cette série? Ça s'appelle The Burrow. Les frères Matt Duffer et Rose Duffer, donc créateurs de Stranger Things, nous proposeront cette nouvelle série le 21 mai, au mois de mai prochain. Ça suit un groupe de retraités vivant en maison de retraite qui se retrouvent confrontés... Après les enfants, ils prennent les retraités. Voilà. Vivant dans une maison de retraite qui se retrouvent confrontés à une mystérieuse menace surnaturelle. Bon, on change pas d'équipe qui gagne, mais après les jeunes à vélo, là, on va voir les vieux en déambulateur. Je sais pas comment ils vont nous vendre ça, mais ça va être moins dans l'action, je pense. Mais pour l'instant, apparemment, on n'a pas commandé de saison 2, hein, donc on attend de voir. Ils sont peut-être plus frileux sur le dossier. Oui. Voilà, donc un Stranger Things pour seniors, ça. Après, voilà, ça peut. Mais ils sont forts, hein, les frères de fer, donc. Voilà, oui, c'est ça. Ils sont forts. Ils peuvent faire rien avec n'importe quoi. C'est ça. Enfin, tout plutôt. Ils peuvent faire tout avec n'importe quoi. Ou rien. On verra bien. On en reparlera. X-Files, Hulu, je sais pas comment on dit, commande un pilote pour faire un reboot. Oui, le reboot est prêt ou quasiment prêt avec l'actrice principale. Hein, comment elle s'appelle ? Danielle Deadwheeler. Danielle Deadwheeler qui incarnera l'un des deux nouveaux agents. L'histoire repart avec une division du FBI dédiée au phénomène inexpliqué. Hein, on garde la base. Quelle nouveauté, j'ai envie de dire. Voilà, on garde la base. La série gardera les monstres chaque semaine et la grande conspiration est... Info intéressante, Gillian Anderson pourrait faire des apparitions et donc Ryan Coogler promet une version encore plus effrayante. Bon, c'est sûr que là, c'est un peu daté, le monde d'X-Files, il va falloir un peu finalement se remettre à la page. Il y a un terrain, mais après ce qu'on a vu avec Stranger Things, il y a plutôt un terrain. Voilà. Faire ce qu'il faut. Voilà. Exactement. On va parler de Game of Thrones aussi. Il y a un film en préparation. Et oui, le studio Warner Bros. Ils déclinent le truc à l'infini. Hein. Voilà, a développé un long métrage se déroulant dans l'univers de Westeros, évidemment. C'est en phase encore de développement, mais le scénario a déjà été remis en studio. L'histoire probable se tournerait autour de la conquête d'Aegon. La plupart des informations indiquent que le film racontera donc cette conquête. Je te fais confiance, j'ai jamais vu un épisode entier. Dagon Targaryen qui est quand même le personnage fondateur de tout ce qui se passe à Westeros. Donc, je te crois sur parole. Donc voilà, ça peut être... Mais bon, j'aime bien... Enfin, J'adore, je suis fan de House of the Dragon. J'avais cru comprendre. Et A Knight of the Seven Kingdoms, qui termine évidemment, qui donne une ouverture sur plein d'autres saisons. Mais après, attention à ne pas trop tirer sur la corde. Voilà, est-ce qu'un film était vraiment utile ? On verra à sa sortie. Apparemment, se passe 300 ans avant la série. Bah oui, c'est un peu ça, 300 ans après, voilà, il joue un peu sur tous les tableaux. Ouais. Sur tous les tableaux, enfin bref. Et je crois que tu voulais nous faire écouter quelque chose, un extrait d'une série. Exactement. C'est pour moi ? Oui, la chaudière est un peu détraquée, alors je ne veux pas que vous preniez froid. Voilà. Si c'est une tentative de séduction, n'y pensez plus. Laurel, je crois qu'il est temps de conclure une trêve. Détendez-vous un peu. Je débouche le champagne. Je ne bois pas de champagne, ça me donne la migraine. Mais j'apprécierais un petit verre de Porto. Est-ce que ce serait pas J.R. Ewing qu'on a entendu ? Eh oui, et j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour terminer ce C'est Actu pour rendre hommage à une actrice qui a marqué l'univers d'une série culte. Et je sais que quelqu'un nous écoute attentivement ce soir et il est fan de Dallas. L'actrice Annabelle Schofield, comme pour les Américains, nous a quitté le 28 février dernier à Los Angeles à l'âge de 62 ans après un combat contre le cancer. Née le 4 septembre 1963 au Pays de Galles, elle s'est d'abord fait connaître comme mannequin international dans les années 80. Son élégance et son charisme l'avaient amenée à poser pour de grandes maisons de haute couture et à apparaître dans de nombreux magazines de mode. Mais pour les passionnés de séries, et notamment pour Laurent et tous les fans de Dallas, son souvenir restera surtout lié à son passage dans la série. En 1988, dans la saison 11, elle incarne Laurel Ellis, un personnage récurrent présent dans une douzaine d'épisodes. Et même dans une série célèbre pour ses intrigues impitoyables, ses manipulations et ses coups tordus orchestrés par le mythique J.R. Ewing, interprété par le défunt Larry Hagman, Laurel Ellis apportait quelque chose de différent. Il y avait chez Annabelle Schofield une présence très lumineuse à l'écran et une élégance naturelle, un sourire, une douceur, qui contrastait souvent avec la dureté de l'univers des Ewing. Dans un monde rempli de stratégies, de rivalité et de manipulation, elle incarnait une forme de fraîcheur et d'humanité qui marquait les téléspectateurs. Après Dallas, elle poursuivra sa carrière au cinéma, puis derrière la caméra en devenant productrice à Los Angeles. Elle écrira même un roman en 2013, inspiré de sa vie entre les univers de la mode, du cinéma et de la télévision. Une trajectoire assez rare, mannequin international, je vous le disais, actrice dans une série culte, puis créatrice et productrice. Mais pour les amoureux de Dallas, et nous pensons tous les deux très fort à toi Laurent, qui nous écoute, Annabelle Schofield restera pour toujours la lumineuse Laurel Ellis, un visage, un sourire et un petit morceau de l'histoire de la télévision. Et voilà. Oui, il y a des gens qui passent comme ça, qui marquent même pour quelques épisodes, et ça met beaucoup de nostalgie. Allez, hop! Et là, je vous ai surpris, on l'a fait à l'envers. On a ouvert la case avant de mettre la musique. On fait tout n'importe comment, hein, c'est ça. Voilà, parce que là arrive Maëlle. Maëlle, elle a une voix formidable. Elle a gagné The Voice très discrètement. Et puis maintenant, elle a fait un album, deux albums. Elle va sortir un troisième album. Son nouvel album sortira prochainement, à la rentrée, je crois. Le premier extrait s'appelle Lily. Et après Lily, c'est Mama. Enfin, c'est Manon. T'aimes quand même. j'ai préféré m'échapper. Lily, je devais m'enfuir. Destination série avec Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Destination série, le Manon série quiz. Bonsoir Manon. Bonjour. Oh elle est là, ça y est, bonsoir. Comment Manon. Comment ça va? Eh ben ça va fort. Tu sais que maintenant on arrive presque à être en retard. Hein? Pour râler, alors, excusez-moi, mais j'ai une remarque à faire sur la semaine dernière. Ah, je voulais faire une correction dans le bon sens. Même si Laurent n'est pas là, on avait patiné incroyablement sur Stranger Things. Et quand j'ai vu mes messages à la sortie d'émission, Laurent avait répondu dès le début Stranger Things dans un message qu'il m'avait envoyé que je n'avais pas vu. Et donc, le point ne devrait pas m'être attribué parce que Laurent était le premier à le trouver c'est a posteriori. Wow. Donc, bravo, donc, Laurent. Donc, tu as le droit de m'enlever un point et de mettre un point pour Laurent. Il le mérite. Ça, c'est lui qui l'avait trouvé en étant chez lui à la radio. Mais bravo, Laurent. Hein. Mais bravo, oui. Bravo. Mais il a tellement de talent, cet homme. Oui. Et moi, je veux revenir aussi sur un petit truc. Sylvain, tu dois absolument regarder les séries dérivées de Game of Thrones, là. Mais je sais, mais... T'as vu, il y a combien d'épisodes je... Non, mais pas Game of Thrones. Dragon, les Sept Royaumes, là, c'est... Genre, alors lequel, House of Dragon ou les Sept Royaumes? Non, les Sept Royaumes. D'accord. C'est vraiment ça. Les Sept Royaumes, ouais, voilà. Mais alors, je te promets de regarder. Alors, je regarde à condition que tu regardes Le Jeu de la Dame. Ouais, faut que je m'y mette, faut que je m'y mette. Ah, ben voilà, c'est un prêté pour un rendez-vous. Je vous rappelle les règles. Ouais. Je vous donne un pitch. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et si c'est vrai, vous trouvez la série. C'est bon pour vous? Oui. C'est vrai. Ok, le premier. Un homme s'occupe d'enfants dans des familles en difficulté et aide à résoudre leurs problèmes. C'est très mal. Ça existe. Mm-hmm. Alors, si ça existe. Alors quoi alors là, c'est pas pour moi ça. Ah ouais, t'es sûr? Tu me tends une perche. Là, à mon avis, c'est quelque chose que tu connais. Redis voir le pitch, vas-y, redis-le. Un homme s'occupe d'enfants dans des familles en difficulté et aide à résoudre leurs problèmes. Ah, c'est quand même pas le nounou. Les enfants. Le nounou, bah oui. Le nounou. C'est le nounou. Ah oui, bravo. Bravo. Bravo, Sylvain. Bah oui. Chaque fois, il fait ça. À chaque fois, il dit, c'est quand même pas ça. Et en fait, oui, c'est vrai que c'est la technique. Content, c'est la technique de Sylvain. Je veux laisser une chance aux joueurs. Voilà. Donc, c'est vrai. Oui, le nounou. En plus, on a vu Boudère pendant les vacances. Mais oui, il a refait un inédit après. Ouais. Bon, j'avoue, c'était très vague. J'ai été méchant. Ouais, c'est vague, ouais, quand même. Oui, enfin, si, c'est, il aide. Oui. Ah bah, ça, c'est sûr. Allez. Bon, bravo, on continue. Un jeune homme raconte trop vite ses galères sentimentales et professionnelles. Et tu fais de plus en plus court tes textes. Un jeune homme, des galères professionnelles. Non, un jeune homme raconte trop vite ses galères sentimentales et professionnelles. Concentrez-vous sur le trop vite. Je pensais que celui-là, il allait être facile, mais visiblement non. Trop donc ça existe, mais alors c'est donc quoi? Donc ça existe alors. Oh merde, oui, pardon. Trop vite. C'est fonctionné sur trop vite. Assez récent quand même. Et on en a parlé à l'antenne ou bien? Oui. Oh là là là là là là. Un indice, parce que là, je crois qu'on on est sec. Hein. Kian. Bref. Bah oui. Bref. Oui, Kian, quand j'en dis. Ah oui. Oh là là là. Un homme raconte trop vite ses galères. Oui. Bref, trop vite, bref. C'est du Manon, ça. Ouais, c'est du Manon, voilà. Hein, en fait, il faut décoder le Manon avant de trouver le texte. Mais t'étais pas mal dans le décodage, là. Mais c'est un nouveau type de jeu, donc il faut... Elle a changé les codes. Elle change les codes, ouais. Bon, allez, un autre. Un expert en accidentologie reconstitue des crimes. C'est court et bref. Oh, ça ressemble à du Dexter, mais quand même pas. Non, c'est pas Dexter. Un expert en accidentologie reconstitue des crimes. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Non. Ça n'existe pas? Non. Vous êtes sûr? Oui. C'est Alex Hugo. Mais on regarde pas. Bah voilà, on regarde peut-être pas. Mais attends, Alex Hugo, si, j'en ai vu. Attends. Je me trompe? Non, je regarde pas Alex Hugo. J'avais regardé l'autre série Carpe Diem avec oui, le même acteur. Oui, c'est pas. Non, je, oui, je me disais flûte. Oui, effectivement, il s'est. Il est expert Samuel en accident. Le il, est ex... le il est expert en accidentologie. Il répare les gens, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Dis-donc, il faut vous reconcentrer là ce soir. C'est quoi là? Vous êtes tout mou. On a tout donné. Hein. Ah bah ouais. On a tout donné pendant les 50. Après, on n'a pas beaucoup d'indices. Hein. Oui. Ah. Bon, allez, encore un autre. Un chef cuisinier tente de sauver le restaurant familial. The Bear. The Bear. Oui, ça, c'est The Bear. Eh ben oui. Eh ben oui. Jamais vu ça, non? Bear, bear, bear. Oui. C'est beer, c'est à boire. Et bear, c'est l'ours. B-E-A-R. L'ours, oui. B-E-A-R. Ah, vous l'avez bien aimé la série là, non? Ah, ouais, moi je l'ai regardé, je l'ai regardé. Très drôle, c'est non, il y a tout dedans. C'est atypique aussi dans c'est sa atypique. Construction. C'est et dans j'aime ça, bien. Oui, exactement. Celui-là on l'avait. Allez, un dernier. Un dernier. Un allez. Dernier. Oui. Un gentleman cambrioleur s'inspire. Arsène Lupin. Bah, raccourci. Lupin. Lupin. Ouais, ouais, oui, oui. Non, mais elle a raison. Oui. Parce qu'Arsène Lupin existe en tant que tel. Oui, mais pas Arsène pareil. Lupin, c'était une série c'est aussi. Pas la même. Ah, mais elle mais... parlait pas de la série. Oui, non. D'accord, mais c'est aussi Arsène. Hein. Mais t'as ouais, gagné quand même. Pas, allez, pas, on va pas chipoter. Bon, on a été meilleur sur la fin que sur le début. Hein, oui, mais... surtout toi. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. J'adore ce jeu. C'est vrai que c'est excellent. Ah oui. Vivement que Laurent y participe. Ouais. Bon, bah écoute, très bien. Et écoute, merci Manon. On se retrouve la semaine prochaine. Tu es en et direct avec nous. Ah, tu seras là. C'est génial. Voilà. Voilà. Et donc, gros bisous. Allez, gros bisous. Merci bisous Manon. Bon week-end. À la semaine prochaine. Salut. Bon week-end. Ciao. Bisous. Merci. Domaine de gang, ils sont là. On va bien se marrer. Débattre et puis jouer. Domaine de gang. Que tu te lèves taille te coucher. Il faut les écouter. Toujours à tes côtés. Ladies and gentlemen, 7h-9h sur RCN. Bienvenue dans Tom and the Gang.